2. Le plan numéro 2. Un second programme fut mis au point à la fin de 1969 par le service de la direction des opérations qui avait déjà élaboré le plan numéro 1. Il prévoyait que des individus sans aucun lien antérieur avec des groupes d'opposition soient recrutés. On leur apprendrait la théorie et le jargon de ces groupes, puis on les mettrait en relation avec la « nouvelle gauche » qui s'implantait à l'époque dans les collèges aux États-Unis. Après avoir été rougi et aligné sur le troupeau, ainsi que le décrivait un officier de la CIA, il serait envoyé à l'étranger pour des missions de renseignement précises. Les informations importantes contenues dans ces rapports, qu'elles concernent des individus ou des groupes, allaient rejoindre les autres informations déjà amassées dans les dossiers, puis étaient mises sur ordinateur. Selon leur nature, il arrivait qu'elles soient transmises au FBI. Ainsi, bien que ce ne fût pas la mission des agents du plan numéro 2, la collaboration entre Chaos et le plan numéro 2 aboutit quand même à la collecte et à la divulgation par la CIA d'un certain nombre de renseignements sur les activités intérieures des groupes américains. Dans sa déposition, Helms a affirmé qu'il n'était pas au courant. En outre, malgré les efforts des officiers du plan numéro 2 pour que leurs agents évitent d'intervenir activement au sein des groupes contestataires, ils ne purent l'empêcher toujours. Un des agents devint un dirigeant d'un de ces groupes et il fournit au moins une fois les minutes des réunions de ce groupe au plan numéro 2. Un agent du plan numéro 2 devint également conseiller au cours d'une campagne électorale pour le Congrès et fournit à Chaos des rapports sur les activités en coulisses de cette campagne. Pendant les premières années de son existence, ce sont les rapports des autres agences de renseignement du gouvernement et les antennes de la CIA à l'étranger qui fournirent à Chaos la majeure partie de ces renseignements. En octobre 1969, cette procédure avait presque complètement changé. Le nouveau directeur de Chaos commençait à contacter, à recruter et à entraîner des agents pour qu'ils travaillent directement pour Chaos. Trois facteurs expliquent ce changement d'orientation. D'abord, et le plus important, ce furent les pressions toujours plus grandes de la Maison-Blanche. Par exemple, la lettre de Tom Charles Houston, conseiller auprès du président, pour que la CIA fournisse des informations plus nombreuses et plus précises sur le rôle des rapports entre l'étranger et les activités des groupes contestataires américains. En second lieu, le groupe Chaos n'était pas arrivé à obtenir des renseignements significatifs par le canal des agents des autres agences de renseignement. Troisièmement, les activités des contestataires avaient considérablement augmenté aux États-Unis. Ces nouveaux agents du groupe Chaos étaient moins de 30. Bien que les archives du groupe indiquent qu'ils recevaient des rapports venant de plus de 100 sources différentes, il semble que les agents fournissant ces rapports aient été envoyés à l'étranger par d'autres agences gouvernementales de renseignement ou par d'autres divisions de la CIA. Ces rapports n'étaient que des à-côtés réalisés à partir de renseignements collectés au cours d'autres missions. Chaos sélectionna une quarantaine d'agents éventuels entre octobre 1969 et juillet 1972, après quoi le groupe ne recruta plus. Le directeur quitta le groupe le 12 juillet 1972. La moitié à peu près des personnes contactées avaient été présentées au groupe par le FBI et le reste appartenait à différents services de la CIA. Le volume de l'information qui parvint à Chaos en 1969 fut considérable. Comme Helms le soulignait dans son mémoire du 6 septembre 1969 au chef de division, le problème essentiel était d'analyser et de classer cette masse d'informations brutes. Ces informations ne venaient pas seulement des rapports du FBI, elles arrivaient aussi des stations de la CIA à l'étranger. Chaos avait également utilisé au maximum le fichier central de l'agence. D'après le chef du groupe, ces informations consistaient essentiellement en des renseignements sur des individus rassemblés par le FBI. Ils n'avaient pas été analysés par la CIA, ils étaient sans valeur pour elle car ils ne concernaient pas le renseignement à l'étranger. Chaos a aussi profité de l'interception du courrier à New York par la CIA. Le groupe a fourni une liste des citoyens américains qu'il désirait voir surveillés par les services du courrier. Le volume du courrier ainsi intercepté et transmis au groupe représente 2 tiroirs pleins. Tout ce courrier était de la correspondance avec l'Union soviétique. En plus, Chaos reçut du matériel dû aux activités internationales d'une autre agence de renseignement du gouvernement. Le groupe lui communiqua une liste de gens à surveiller et reçut en retour à peu près 1100 pages de renseignements. Cet apport d'informations ne cessa qu'avec le groupe Chaos lui-même. Tout le matériel reçu fut renvoyé à cette agence en novembre 1974 parce que le fait que la CIA détienne ces informations posait un problème légal. Ces informations concernaient la plupart du temps les activités anti-guerre, les conférences internationales pour la paix et les déplacements des membres de différents groupes contestataires. Aucun de ces renseignements n'avait un caractère strictement intérieur. Pendant un temps, le groupe reçut également les copies de bandes d'écoute d'appels téléphoniques entre les États-Unis et l'étranger. Les conversations n'y étaient pas enregistrées, mais les bandes permettaient d'obtenir l'identité des interlocuteurs, la date et l'heure de l'appel. Les bandes indiquaient aussi si l'appel avait abouti. La plupart des officiers de l'opération Chaos étaient des analystes qui lisaient le matériel que Chaos recevait et en extrayaient les noms et autres informations de cette nature pour les mettre sur ordinateur et finalement les classer dans les nombreux dossiers du groupe. L'énorme volume que Chaos recevait en matériel et le peu de temps dont il disposait font que ce travail a été effectué avec assez peu de discernement. Ce qui aboutit à inclure dans les archives des éléments qui avaient peu de rapport, quand ils en avaient un, avec l'objectif du groupe qui visait essentiellement l'étranger. Les noms de toutes les personnes mentionnées dans les rapports de renseignement que recevait Chaos étaient codés pour être mis sur ordinateur. Lorsque l'ordinateur sortait un nom, il sortait aussi toutes les références où apparaissait ce nom. 300 000 noms à peu près de citoyens américains ou d'organisations ont été ainsi stockés dans l'ordinateur. L'information traitée en ordinateur était canalisée ou répertoriée sur la base d'une grille allant du moins important au plus important. Il fallait un mot de passe pour avoir accès à chacune des catégories. Et ces différentes catégories dans le système informatique de classement avaient donné son sobriquet de « l'hydre » au système. Celui-ci servait surtout d'index à la bibliothèque des dossiers du groupe Chaos.